Hey, là c'est SP qui te parle. Ice criminel. Tu nous connais pas, hein? J'avance avec ma ST Click. La street a ses vrais guerriers. Nico, on fait de la spartiate musique. Bloc, soldat, prêt pour le débarquement. Avec autant de balles que le chiffre du département. Sur la patate, les MC savent qu'on black up. C'est la guerre dans nos morceaux, on lâche des bombes comme à Bagdad. Drogue, musique, c'est de la bonne, vas-y fume. Que des forces de feu, chargé dans le mic comme dans le sifu. J'ai le style qui tue, les putes qui diffusent. SD, l'équipe, type qui ne perd plus. F4, braquage, où les fourgons se plastifient. Ne parle pas de rue si tu sais pas ce qui se passe ici. Clic, clic, boum, y'a rien de pacifique. On fait la loi et tant mieux qu'il y ait pas assez de flics. L'arme à la bouche, mes victimes se comptent par couplet. Un 16, un mort, quand je kick c'est le silence complet. Sur piste avec mes gars, j'suis venu pour gagner la compète. Appelle-moi Richie, un MC Tech venu s'enrichir. Dans ma zone, t'es ma ça, les majors s'écartent. Et que j'lâche mes rafales, mes rapaces se gardent le gun. Pas des rabâches, des racailleux, parle de keuf. Pas le droit à l'erreur, j'ai de quoi cueillir un quart de keuf. Lefty, passe tes nuages, je vais revenir dans l'orage. Passe tes nuages, j'ai mis, j'ai foutu les pieds dans le rap. T'as voulu nous barrer la route, on s'en rappellera. Pareil que la route tourne et ce jour-là, on en reparlera. Pas le temps, moi je trace sur voie rapide. Face à moi, le psy se fait sa propre thérapie. La street m'a tout appris. Pas fléchir avant de plomber. Si tu veux pas t'en prendre une, réfléchis avant de flamber. Un plan B au cas où je raterai le disque d'or. Bordel, triste époque, des problèmes, j'en risque d'autres. Je viens de là où le but est mieux finissent douille ou planté. Triste sort, je voulais pas mouiller, je me retrouve trempé. On est venu faire taire, c'est braille. 9-4, c'est des SD. On met le fire. Ici, place au M6. On est taille. SD, SD. Plus faire taire, c'est braille. 9-4, signé SD. On met le fire. Laissez place au M6. On est taille. SD, SD. Alors comme ça y'a pas de temps à perdre. Il est si précieux qu'à bord tout se presser. Tout est bon à faire. Apprendre, rien à laisser, l'espoir chasse les doutes. Merde, à trop se laisser on se casse les coudes. Ces combats des tours c'est rageux. Chacun pour sa poire, le moindre bise on se l'arrache. Y'a plus de part, croquer tous entièrement le gâteau. Impliqués tous ensemble dans le même bateau. Sache qu'on marche, plus on court vers le cash. Quand la dalle crache son feu, c'est la rage qui parle et pas le sage. On ne mâche pas les monopages pour info. Mélange pas le faux du vrai, nous on lâcherait un tel défaut. Rap à fond quitte à devenir à faune. Ma voix sur dictaphone. Depuis l'époque du double cassette, j'en pose des tonnes. Haine t'étonne pas, c'est ma bouche, la gâchette. Mon encre, ma poudre et le mélange des deux fait que ça pète. Et dis que ça fait 10 piges. Que je suis rap les dérapages dans les litiges. Que je crache ma rage jusqu'à ce qu'il pige. Jusqu'à qu'il se pige. Armée d'un clic oblige. Même si pas les seufs, c'est pas un concept. Depuis la tête, c'est le rap et la zeb qui me conserve. Je reste sale et dust, remballe tes conseils. Fouteur de merde, reconnu par les refs au concert. Quelques grammes dans le vaussaire et je démarre. Là c'est mon inspi sous feu split pour déstresser. Trop vite, la gâchette risquerait d'être pressée. Trop vif à ta place, j'éviterai de tester. Moi c'est quelqu'un, MC au 16 fumant. Plus fausse qu'un rosson, y'a pas arrête, on sait que tu mens. Reconnais la tête, ça vient des alouettes. Massif, 9-4, je répète, alouette, massif. On est venu faire taire, c'est braille. 9-4, c'est des SD, on met le fire. Laissez place au M6, on est taille. SD, SD. On est venu faire taire, c'est braille. 9-4, c'est des SD, on met le fire. Laissez place au M6, on est taille. SD, SD. ST Click, Nigga, Richie, Lefty, Garpa, Keno Mike, Poiser, Sonny Brahms, Sa Bronx, et moi c'est SP, Ice Criminel, Nigga, Bilal Forsu, Alouette Soup, 9-4.